Voici d'abord cinq poèmes de Clément Marot. Lorsque Maillard, juge d'enfer, menait à Montfaucon sans blancer l'âme rendre, à votre avis, lequel des deux tenait meilleur maintien? Pour le vous faire entendre, Maillard semblait homme qui mort va prendre, et sans blancer fut si ferme et vieillard que l'on croyait pour vrai qu'il mena pendre à Montfaucon le lieutenant Maillard.